les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Qu'elle ait été heureuse ou malheureuse, cela revient au même. Si l'on en croyait Pascal Jardin, on ne se remet pas de son enfance. Pascal Jardin, jusqu'alors scénariste et dialoguiste de films, qui publiait son premier roman au début des années 70. Les mots, il aimait les mots, évidemment. Mais les mots isolés et pas les mots d'auteur. Le premier livre, Pascal Jardin était l'invité de Claude Montcalm, le 28 septembre 1971, sur France Culture. La guerre à 9 ans est le titre du premier livre de Pascal Jardin qui vient de paraître aux éditions Grasset. Pascal Jardin, dialoguiste de plus de 45 films, avait 5 ans en 1939. La guerre à 9 ans est un récit. Il s'agit des souvenirs de la dernière guerre vécue par un enfant âgé de 5 à 9 ans. Le père de Pascal Jardin, Jean Jardin, était directeur de cabinet du chef du gouvernement de Vichy. Et c'est dans le château de Charmeil, près de Vichy, que Pascal Jardin rencontra Abel Bonnard, petit, précieux, précis et pourvu d'une chevelure blanche et mousseuse, Coco Chanel, qu'un jour il traita de vieux poulet déplumé, Paul Morand, les coups de téléphone de Jean Giraudoux, qui avaient lieu après le dîner. « J'entendais tout », écrit Pascal Jardin. « J'apprenais que Giraudoux avait une sorte de rival qui s'appelait Claudel et qui allait créer une pièce en même temps que la sienne, le soulier de satin. Mais l'un et l'autre étaient eux-mêmes menacés par un troisième collègue, Henri de Monterland, dont la première de la Reine morte était imminente. Les poètes se faisaient la guerre, eux aussi. » Toujours au château de Charmeil apparaissaient Madeleine Sologne, Jean Marais, Pierre Fresnay, Yvonne Printemps, Georges Bidault, Robert Aron et Emmanuel Berle. Emmanuel Berle qui a écrit la préface du premier livre de Pascal Jardin. Et voici, entre autres, ce qu'il écrit. « J'ai connu Pascal Jardin, plongé encore dans cette enfance dont il dit qu'on ne sort jamais. Il m'a toujours séduit et tant de fois déconcerté qu'il ne peut plus me surprendre par ses apparitions, ses disparitions. Petit ange démoniaque, tendre et dur, esclave ou libre. » Tout d'abord, Pascal Jardin, depuis combien de temps viviez-vous avec l'idée de ce livre avant de commencer à l'écrire ? Depuis très longtemps. Depuis très longtemps, j'avais envie de faire un livre au présent avec une référence sur tout ce qui me paraissait important dans le présent, à chaque fois avec référence à l'enfance, sur tous les événements qui me semblaient avoir conditionné le présent. Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à l'écrire ? Rien. Tout me poussait à ne pas l'écrire. Tout me poussait à ne pas l'écrire puisque je suis toujours en train de faire un film. Et j'ai eu beaucoup de mal. Et quand je l'ai eu fini, c'était un très très gros livre. C'était un livre de plus de 600 pages. Et puis, si vous voulez, je me suis aperçu que je ne pouvais pas le publier comme ça parce que, en fin de compte, je m'emparais de toutes sortes de vérités qui n'étaient pas ma propriété. Notamment de chose qui appartenait en propre à mon père, j'étais amené à le couper, c'est devenu ce petit livre. Et vous vous souvenez du jour précis où vous avez commencé à l'écrire ? Non, il n'y a pas eu de jour précis, mais je l'ai écrit, j'ai mis très longtemps à l'écrire. Combien de temps avez-vous mis ? 4 ans et demi, 5 ans. Et vous écrivez plutôt le matin, le soir, à des heures fixes ? J'écris tout le temps. Et le bruit n'a pas d'importance ou non, non. Pour moi, il y a deux ennemis. Ce sont les gens qui font le ménage. C'est une angoisse absolue. Les bruits anonymes ne me dérangent pas du tout. Les bruits de café, les bruits... J'ai l'habitude de travailler dans les studios de cinéma, sur les plateaux. Mais les bruits du ménage me paraissent haïssables. Haïssables et agressifs. L'aspirateur, enfin, c'est le pire ennemi. Mais vous aviez pris beaucoup de notes, vous aviez tracé un plan avant d'écrire? Rien du tout. Je n'ai jamais pris de notes. Et je n'ai pas pu en prendre durant l'enfance, puisque je ne savais ni lire ni écrire. Et à propos de la mémoire, vous écrivez « Ma mémoire n'est faite que d'oubli ». Alors comment avez-vous pu écrire ce livre? Eh bien, c'est pas seulement une boutade, c'est que je crois que c'est comme la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, la mémoire. Et non, je dis ça parce que par exemple, au début du livre, je me souviens d'une ville qui m'a beaucoup frappé et qui a conditionné mon enfance, qui est Évreux. Or, je sais que j'y ai vécu avec ma première femme et je ne me souviens de cette ville qu'en fonction de la seconde. Et je n'ai jamais fait qu'y passer une heure ou deux avec la seconde femme. Donc je pense que la mémoire est malhonnête et qu'elle est affective. Je crois que la mémoire est très insincère. Je crois qu'on lui fait dire ce qu'on veut. Page 16, vous écrivez « Il existe plusieurs vies. La première, c'est l'enfance. Heureuse ou malheureuse, on ne s'en remet pas. L'enfance, c'est le point d'eau. On y revient toujours. » Oui. Oui, mais enfin... C'est pas une idée neuve, je veux dire. Je crois que, effectivement, tout est conditionné par l'enfance. Surtout si les hasards de la vie ont fait qu'on a été placé dans des situations d'exception durant son enfance. Et la guerre est un état d'exception. Donc je vois pas comment j'aurais pu me remettre de mon enfance. Et puis d'ailleurs, j'en ai pas le désir. Je trouve que c'est très bien comme ça, je veux dire, d'avoir une enfance avec une empreinte très forte. Je crois qu'on ne se remet pas plus des enfances heureuses et d'enfances calmes, et que plus la situation dramatique est forte, mieux c'est. Et quelques pages plus loin, vous ajoutez « On ne vit pas sa vie dans l'ordre qu'il faudrait. Commencer par l'enfance est sûrement une erreur. » Oui, je crois. Je crois, oui, parce que je crois que quand on saute l'enfance, ça a été mon cas, enfin, j'ai vraiment sauté l'enfance. À 8 ans, j'étais dans un contexte de guerre, avec des gens qui pensaient tous qu'ils allaient mourir le lendemain. Et donc, ces gens-là ne me traitaient pas du tout comme un enfant. Et ils n'avaient aucun des racismes qu'on a vis-à-vis des enfants habituellement. Je veux dire, on me forçait ni à me coucher tôt, ni à aller à l'école, ni rien. J'étais vraiment dans un véritable état de liberté. Vous écrivez aussi « La vie a tapé sur moi comme sur un tambour, et pourtant je ne me sens pas loin du monde abîmé. » Ben oui, elle a tapé sur moi. Enfin, je veux dire, j'ai failli être tué je ne sais combien de fois quand j'étais enfant. J'ai eu une adolescence compliquée par le fait que mon père avait été un collaborateur. Il n'était pas plus facile d'oublier après la guerre. J'étais fils d'un ce qu'on appelle un collabo, qu'il était possible d'oublier qu'on était juif pendant la guerre. Comme je ne savais rien faire, j'ai eu des débuts dans la vie extrêmement difficiles. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, quand j'ai fait beaucoup, beaucoup de cinéma, ça a été par une filière purement de films à grand spectacle, de films commerciaux. Donc personne de la Nouvelle Vague, aucun des jeunes gars de la Nouvelle Vague ne m'a reconnu pour un des leurs. J'ai donc, je veux dire, il me semble que ça a toujours été très difficile, même dans le succès, ça a toujours été très difficile. Et quelle est la première difficulté que vous avez éprouvée en écrivant La guerre à 9 ans? Toutes les difficultés, parce que c'est une période maudite. Il y a une espèce de mauvaise conscience nationale, enfin, qui recouvre toute la période de l'occupation. D'autre part, les gens qui ne sont pas morts sont souvent au pouvoir. Donc, d'autre part, il y a des reconversions dans tous les sens. Et dans la mesure où vous prenez un livre où tous les personnages sont vrais, j'ai une distribution admirable dans mon livre, je veux dire, si on devait en faire un film. Et tout le temps, j'étais amené, autant si vous voulez, je veux bien être courageux pour la part de vérité qui m'appartient en propre, mais tout le temps, j'étais amené comme l'histoire m'est apparue par des faits que j'ai surpris, par la vie privée des gens, par des anecdotes, par des péripéties qui s'est passées dans des maisons, dans des lieux sous mes yeux. À chaque fois que je veux raconter quelque chose qui a trait à un événement historique de cette époque-là, ça passe d'abord par la vision d'un enfant. C'est-à-dire, d'abord, par des faits qui, au fond, ne m'appartiennent pas. Et pour ne pas parler de la vie privée d'une quantité de gens, j'étais amené à couper énormément. Et c'était une difficulté impossible d'équilibrer le récit comme ça, si vous voulez. Peut-être que, en gros, ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'un jour, pendant 100 ans, pendant 200 ans, on a fait des romans à clé. Alors, il était transparent à travers de faux noms. on parlait de certains gens, et un certain nombre de gens savaient, connaissaient les clés. Mais là, il me semble que peut-être un jour, de même qu'on a battu les murs autour des maisons, de même qu'on a mis des immeubles en verre, peut-être qu'on pourra faire des romans avec des gens qui aient leur vrai nom, en donnant leur adresse. Et il semble que ce livre me prouve que probablement on peut parler des gens avec leur vrai nom, parce que il me semble qu'il y a 25 ans, ce livre m'aurait valu une quantité de procès, et aujourd'hui il me vaut une quantité d'interviews. Il y a donc peut-être une espèce de transparence qui s'installe. Mais quels sont, Pascal Jardin, vos rapports avec les mots ? Avec les mots ? Avec les mots. Je ne sais pas. Vous engagez une bataille avec eux ? Comment ça se passe ? Oh non, c'est comme des cerceaux, je les fais rouler le plus longtemps possible. Si, c'est ça, pour moi, les mots, c'est des cerceaux, quoi, on les fait rouler. Faut vous dire que je suis très, très déformé par le fait que je suis un dialoguiste de cinéma et que les mots, ce sont des jouets. Ce sont des très beaux jouets. Il y a des mots que vous préférez à d'autres ? J'aime pas les mots d'auteur, c'est les mots tout seuls, isolés, que je trouve beaux. Je suis tout à fait ennemi des dialogues à mots d'auteur. Il n'y a pas certains mots que vous aimez, plus particulièrement ? Si, mais ça, il y a deux, trois phrases que je trouve uniques au monde. Je sais pas. Le dernier livre de Morand, qui s'appelle Venise au pluriel, où il restructure toute sa vie par rapport à une ville qui est Venise. Se termine par « Ma vie n'aurait été en fin de compte qu'un très long accident ». Je trouve que c'est une phrase admirable. Puis pour moi, la plus belle phrase du monde, c'est une phrase de Goethe qu'il écrit à sa sœur. Parmi les innombrables lettres d'amour de Goethe à sa sœur, il y en a une d'une ligne où il lui dit « Je t'aime, ça me regarde ». Je trouve que ça, c'est vraiment... On ne peut pas faire plus court et on ne peut pas faire plus beau. Page 178, vous faites en quelque sorte un portrait de vous-même et vous concluez en écrivant « Je n'ai de force à puiser que dans ma propre faiblesse. » Oui, je ne suis ni très costaud, ni en très très bonne santé, ni... Enfin, je ne suis pas Lino Ventura, je ne suis pas une force de la nature, et... je sais pas, j'ai de l'asthme, j'ai des ennuis que beaucoup de gens ont, j'ai des cailloux dans les reins, enfin, je veux dire... Je suis obligé de composer, comme beaucoup, comme la plupart des gens, avec une machine assez déficiente, et j'ai tout le temps le sentiment que... Effectivement, la force dont j'ai besoin, il faut que je la puise dans ma faiblesse, parce que j'ai pas de vraie force. Et page 190, vous écrivez « Le malheur rend bon, la misère rend méchant ». Ah oui, ça, je suis persuadé. Je suis persuadé que les gens qui ont de grands chagrins d'amour, eh bien, tout à coup, il y a quelque chose en eux qui s'ouvre profondément, et que c'est beau. Alors que si vous affamez les gens, comme j'en ai vu affamer, comme tout le monde pendant la guerre, si vous leur prenez leurs enfants, si vous les déportez, si vous les tuez, et si vous les faites crever de froid et de faim, ça les rend excessivement méchants. Je ne crois pas que la misère puisse engendrer quoi que ce soit de bien, si ce n'est la fureur et la révolte. Vous évoquez longuement Paul Morand et Hélène Morand, et vous écrivez « Paul Morand a fait dans ma vie une entrée bousculante, il n'en sortira plus ». Je suis devenu ami avec Paul Morand en 1943 et je le suis toujours. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour moi et dont l'œuvre est très importante, enfin pour moi, et pas seulement pour moi d'ailleurs, mais je crois que c'est le grand inventeur de la langue du XXe siècle. Je crois que c'est une invention si neuve que la photographie, la langue de Morand, et je crois que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrivains très à la mode sont des morandistes. Enfin, Sagan est un exemple éclatant, un Nourricier, enfin, je veux dire, toute une quantité de gens. Sont Nimier, Blondin, sont vraiment des morandistes. Et puis, ce qui est tellement beau chez Morand, c'est cette manière de courir indéfiniment après la ligne de l'horizon. Il est vraiment le personnage de son livre, L'homme pressé, je veux dire. C'est quelqu'un qui court, qui est pressé, non pas pressé parce que la vie est trépidante, mais il est pressé parce qu'il est pressé à l'intérieur de lui-même. Il est né pressé, il mourra pressé. Il court après l'impossible, et ça, je trouve que c'est très beau. Vous parlez aussi d'Hélène Morand dans votre livre. Hélène Morand, c'est un personnage extraordinaire. C'est la seule femme que Proust ait aimée. Et elle l'appelle d'ailleurs toujours le petit Marcel. Elle l'appelle le petit Marcel, et elle l'a très, très, très, très bien connu. Et elle avait un salon littéraire qui était, je crois, très très important. Et je crois qu'elle l'a beaucoup aidé. Et enfin, quand je vous dis que c'est un personnage extraordinaire, c'est une femme qui parle 19 langues et dialectes et qui, à 94 ans, apprend le chinois pour préparer l'avenir. C'est quand même... Si c'est pas ça, la vitalité. Puis enfin, c'est une espèce de condottière. Je veux dire, quand elle est née, pour comprendre un personnage comme ça, il faut comprendre qu'elle était copropriétaire de la Roumanie quand elle est née. je dis bien copropriétaire, qu'elle avait des maisons de l'Estérel à l'Oural, que vraiment, que quelqu'un comme ça soit parvenu jusqu'à notre époque, c'est aussi étrange que si quelqu'un avait vécu depuis Louis XIII jusqu'à maintenant, parce que je veux dire, l'Europe centrale dans laquelle elle a été élevée était absolument médiévale, complètement médiévale. D'ailleurs, ce qui m'a toujours frappé, c'est que pour elle, la grande, grande date, ce n'est pas la Révolution russe de 17, qui pourtant est une date historique considérable, c'est la guerre de 14, parce que la guerre de 14, c'est la fin de la grande domesticité. Elle est passée tout à coup de ce 120 domestiques à cause de la guerre à 25, et ça lui a paru la fin de tout. Vous évoquez aussi Jean Giraudoux et ses idées sur l'amour. Oui, j'ai bien connu Giraudoux. Il m'empêchait d'aller en classe pour que je joue au poker avec lui, parce qu'il n'avait plus de partenaire. On jouait à trois, d'ailleurs. Nous jouions au poker avec son chien. Il avait un caniche qui s'appelait Puck, et nous jouions tous les trois. Et si vous voulez, j'ai pas eu avec ces gens-là des rapports d'enfant à adulte. C'était tout à fait autre chose. Encore une fois, c'était l'état d'exception engendré par la guerre. C'était l'idée, soit que les gens qui étaient des collaborateurs, soit qu'ils mourraient ou qu'ils seraient fusillés ou assassinés, soit que les gens qui partaient quotidiennement de la maison pour... Il y avait un aérodrome clandestin qui choisissait Londres ou Alger, pensaient également qu'ils risquaient d'être tués. Donc tous ces gens-là étaient, si vous voulez, à la limite d'eux-mêmes et parlaient tout le temps de leur mort. Et l'idée de la mort était une idée qui m'était très familière. Et je crois pas que l'idée de la mort fasse peur aux enfants. Encore, ou à moins, si vous voulez, d'avoir été blessé ou brûlé, mais moi, j'avais jamais été atteint, donc j'avais pas du tout peur de l'idée de la mort. Ça me paraissait une idée comme une autre, peut-être un peu plus luxueuse que les autres, c'est tout. Jean Giraudoux vient nous rendre visite chaque fin de semaine. Il ressemble à son Siegfried, grand, châtain, souriant. Il porte d'épaisses lunettes d'écaille. Il est éternellement accompagné de Puck, un caniche beige clair. Ses conversations avec ma mère sont douces, mélodieuses, infinies. Les idées, les sentiments, des opinions qui ne sont que des doutes successifs, s'enchaînent et jouent autour d'eux comme des ronds de fumée, comme des chats familiers. Ils ne sont jamais lassés de leur exploration. Un après-midi d'orage, ma mère était assise avec lui dans le salon. Moi, j'étais par terre dans leurs jambes, occupé à réparer un lance-pierre. D'abord, je n'ai pas écouté. Et puis, à un certain moment, il est devenu un peu rouge. Sa voix était saccadée. Il était comme perdu dans une forêt. Alors j'ai essayé de comprendre. Il disait que c'est difficile de savoir aimer. Et puis il affirmait qu'au moment où on sait, il est trop tard. Et puis que de toute manière, on n'arriverait jamais à savoir vraiment si on aimait ou pas. Je me sentais gagné par une angoisse qui me serrait la gorge. Je ne comprenais pas tout, mais sa figure parlait mieux que ses mots. Dehors, il pleuvait de plus en plus. Je ne voyais plus ses yeux derrière ses lunettes. À un certain moment, sans trop savoir pourquoi, je me suis levé et j'ai éclaté en sanglots. Alors ma mère et lui m'ont regardé et ils m'ont demandé ce qui m'arrivait. J'étais incapable de le dire. Brusquement, Giraudoux s'est senti coupable. Il m'a questionné pour savoir si c'était à cause de lui que je pleurais. À cause de lui, j'ai fait un signe. Il l'a pris pour une affirmation, il a commencé un travail d'investigation, passant en revue chacune des phrases qu'il avait dites. Je mourais de peur. J'étais comme un aveugle qui aurait été posté comme guetteur en haut d'une tour. Quand il a reformulé l'idée que l'on ne savait jamais si l'on aimait ou pas, j'ai ressenti un trouble si violent qu'il en a déduit avoir trouvé. Pourquoi ? Vous n'êtes pas comme ça ? Vous savez qui vous aimez ? Oui, je le savais, mais comment le formuler ? Mon angoisse sortait par mes yeux, entrait dans les siens, ressortait par sa bouche. Il m'accouchait, il me délivrait. Vous avez le sentiment que vous le saurez longtemps ? Toujours ? Les lèvres serrées, je lui ai hurlé que oui, en agitant furieusement la tête de bas en haut comme un cheval qui encense. Il m'a regardé, étonné. Il devait penser que toujours c'est bien long. Je crois qu'il était ému. Il m'a dit que j'avais de la chance. Il avait raison. Cette chance-là, ne m'a jamais quitté, même au pire moment. Pouvez-vous maintenant nous parler d'Emmanuel Berle et de sa préface ? J'ai connu Emmanuel Berle à Vichy en 1943, qui est venu se cacher à la maison, qui avait la Gestapo aux fesses. Et il était avec Mireille, sa femme, la chanteuse, et il m'a énormément impressionné parce que lui ne sait absolument pas ce que c'est qu'un enfant. Je suis persuadé qu'il m'avait pris pour un nain. Je veux dire, c'était un humaniste qui ne voit pas de quoi peut bien être fait l'enfance et qui me parlait de l'amour, de la révolution russe, de la guerre d'Espagne, comme si j'avais fait tout ça, comme si c'était absolument normal. Et je suis devenu ami, encore une fois, avec lui à cette époque-là. C'est pour ça qu'il a accepté de préfacer mon livre. Mais quelle est, Pascal Jardin, la personnalité la plus marquante que vous avez rencontrée ? C'est ma femme. Je l'écris d'ailleurs. Pouvez-vous nous parler un petit peu de cela ? Je ne sais pas, je suis en train d'écrire un livre là-dessus, c'est très difficile. Je ne sais pas parler de ce sur quoi j'écris. Non, mais c'est le personnage qui m'a le plus impressionné. Je ne crois pas au védétariat, c'est peut-être parce que je suis trop habitué au monde de la politique et du cinéma. Je ne crois pas vraiment au védétariat. Si vous voulez, il y a quand même quelques acteurs qui m'ont épaté. Vous parlez d'Alain Delon. Je parle d'Alain Delon qui m'a vraiment épaté parce que, si vous voulez, d'une manière générale, on peut dire que... Enfin, c'est Drieu La Rochelle qui expliquait ça très très bien. La beauté des femmes, c'est la beauté de la vie. C'est les enfants, c'est le maquillage, c'est le bleu aux yeux, c'est la poudre aux joues, c'est le rouge aux lèvres, c'est la vie. Or, la grande beauté des hommes, c'est de porter, dès qu'ils ont une certaine conscience de leur vie, c'est de porter la mort sur le visage. J'ai toujours été frappé, comme depuis l'âge de 18 ans, Delon porte le masque de sa propre mort. C'est un héros tragique, pour moi, c'est un acteur shakespearien, enfin, je veux dire, ce qui est très rare parmi les acteurs français. Je veux dire, les acteurs français, généralement, viennent de tout à fait autre chose. Je veux dire, Belmondo, c'est tout à fait différent. Gabin est même freiné. On voit bien que c'est d'une inspiration tout à fait différente. Tandis que s'il n'était pas français, Delon était vraiment fait pour jouer Shakespeare. Les traîtres ou les bons, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Ça revient au même. Et vous avez l'intention d'écrire une suite à ce premier livre ? Elle est écrite, elle existe. Il y a 400 pages qui attendent, mais je ne les publierai pas de mon vivant. J'ai eu trop d'ennuis. Et quels sont les grands thèmes que vous souhaitez traiter dans votre œuvre future ? Toujours la même chose. Je ne suis intéressé vraiment que par un seul sujet, je crois. Ce sont les rapports entre les hommes et les femmes. Il n'y a rien d'autre qui me passionne vraiment. Et quel est le livre idéal que vous rêvez d'écrire ? Ce serait un roman ? C'est un roman sur la solitude, sur l'idée sur la compatibilité qu'il y a en amour, et à la fois de brûler et en même temps de durer. Je suis très pessimiste. Je suis joyeux, je suis gai, je suis prêt à m'amuser, à danser jusqu'à l'aube et à me battre comme la chef de Monsieur Seguin, mais je suis très très pessimiste sur la finalité des choses. Et vous le voyez un petit peu, ce livre idéal ? Ce livre idéal, je ne sais pas. Je sais pas s'il est idéal. Je sais que je suis en train de l'écrire et que mon éditeur l'attend parce que celui-là se vend. Et je vais vous dire, ce qu'il y a de plus beau dans celui-là, c'est qu'il se vend. Et je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. Ça, c'est une chose vraiment qui m'obsède. C'est que, à chaque fois que dans le cinéma, je suis sorti du cadre traditionnel pour faire des films que j'aimais ou des films difficiles, je me suis complètement cassé la gueule. Et je suis toujours étonné d'avoir écrit pour moi une chose que plusieurs éditeurs ont refusée. Et on m'a dit, qu'est-ce que c'est ta vie privée mélangée à la guerre, Laval avec Delon, ta femme avec Pétain, ça n'a ni queue ni tête. Et quand je reçois des centaines de lettres et que je vois qu'il est accueilli et reçu, eh bien c'est une joie de gosse, c'est une joie continuelle. octobre 1969. Ma mémoire est un marécage. Jusqu'ici, j'y ai levé des canards sauvages, frôlé des couleuvres. Maintenant, je m'y enlise. J'ai un trou noir. Les hommes, les femmes que j'ai connus à Vichy, je sais ce qu'ils sont devenus. Ils sont morts, ruinés, exilés, au pouvoir, florissants, remariés, grand-mères, infirmes. Mais le temps, qu'a-t-il fait de cette maison de Charmeil, décor parfaitement planté dans mon esprit, soudé et boulonné à l'intérieur de ma tête? Cette maison, que je sais si bien par cœur, la taille du salon, le nombre des fenêtres, la couleur des murs, l'inclinaison du toit, le dessin du jardin, cette maison que j'ai quittée déjà vieux, à l'âge de 9 ans et demi, le 31 octobre 1943, et où je ne suis jamais revenu, qu'en reste-t-il? A-t-elle brûlé? Est-elle rasée? Habitée bourgeoisement, colonie de vacances, station-service? N'est-elle immense qu'aux yeux de ma mémoire? Subsiste-t-il dans la terre qui l'entoure, dans les arbres du jardin, dans l'air qui l'environne, un reflet, une odeur, un écho de ce que je viens d'écrire et de ce que je voudrais encore essayer de restituer? 100 fois j'ai eu l'envie et même l'occasion de me rendre à Vichy et d'y aller voir. 100 fois je me suis dérobé. Charmeil, pour moi, c'est aussi mon phare, mon désert, ma seule vraie maison. 7 octobre 1969, 8 heures du matin. Je me décide. Je réussis à joindre au téléphone mon père qui se trouve en Suisse. Il ne se rappelle pas le nom de notre propriétaire. Tout ce dont il se souvient, c'est qu'il était notaire et que son étude était à QC. Je téléphone aux différents notaires de cette localité. Je finis par apprendre que la maison existe toujours et qu'elle est la propriété de la veuve d'un avoué. Je réussis à parler à cette femme qui habite également QC. Je lui explique comme je le peux que j'écris un livre de souvenirs et je la supplie de me laisser visiter le jour même cette maison où j'ai vécu enfant. Étonnée, méfiante, elle ne comprend pas ma fureur insolite à vouloir inspecter un continent, un château 1920 dépourvu de tout style, même le plus laid, et ne présentant, d'après elle, pas l'ombre d'intérêt dans l'état où il se trouve. Mais dans quel état se trouve-t-il donc? Redoutant que l'entretien téléphonique ne tourne à mon désavantage, je la persuade de me recevoir chez elle à 3 heures de l'après-midi. Je raccroche, je prends ma voiture. À une vitesse record, je traverse Nemours, Montargis, Nevers, Moulins et j'entre dans Vichy moins de 6 heures après mon premier coup de téléphone exploratoire. Pour reprendre souffle, je stoppe en plein cœur de la ville devant l'établissement thermal. À 10 mètres, l'hôtel du parc, siège du gouvernement Laval, a été vendu par appartement. La ville est morte. Les chalets de l'empereur, construits par Napoléon III pour y loger sa suite et qui servaient pendant la guerre d'ambassade ou de légation, semblent fermés à jamais. L'hôtel majestique contigu au parc est lui aussi vendu. C'est Nice l'hiver, mais Nice sans la mer. J'ai brusquement la certitude que rien ne pourra jamais ressusciter cette ville engloutie. Le destin politique abat rarement 2 fois sa main sur la même cité. Je remonte en voiture, gagne Cusset, passe devant la maison de Louis XI, trouve celle de la propriétaire. Je suis reçu. Elle a 50 ans. Et une tristesse de province. Je l'embarque, nous traversons l'Allier par le pont Boutiron, 6 kilomètres plus loin, nous entrons dans le village de Charmeil. Il est truffé de constructions nouvelles, j'en suis comme rassuré. Ce que je redoute, et j'espère, ne doit plus exister sous l'aspect d'autrefois. Je laisse sur ma droite le château du maréchal, transformé en hostellerie pour pèlerins pétinistes. Je m'engage sur la route de Saint-Pourçain. À main gauche, mon école est là, intacte. Le malaise que j'en ressens est vite dissipé, car à main droite, les marécages en bordure de l'Allier et où se trouvait le petit aérodrome semi-clandestin sont devenus une annexe d'Orly. Une tour de contrôle hérissée de radars guette les Boeings algériens et marocains qui viennent y faire escale. Plus nous roulons vers ma maison, plus je suis rassuré. Le temps a fait son œuvre. Ici, le passé ne dort pas, il est mort. Assise à côté de moi, la veuve de l'avoué psalmodie d'une voix monocorde une chanson démodée. « Si vous saviez, monsieur, cet héritage, l'indivision, elle n'a même pas été louée depuis 1944. » We'll be right back. C'était Le Premier Livre, une émission de Claude Montcalm qui recevait Pascal Jardin à l'occasion de la parution de son premier roman, La Guerre à 9 ans, le 28 septembre 1971 sur France Culture. Texte lu par François Guillier, réalisation André Mathieu. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.